nuit tombe sur nos doutes et ton regard qui s'en va. On cherche une raison, une route pour sauver ce qu'il restera. Tu dis que c'est la fin peut-être, mais ta voix tremble un peu. Et moi je sais plus comment te mettre les mots juste au milieu. On ne se parle plus vraiment, mais on se regarde autrement. Reste encore un peu, juste une minute ou deux, qu'on se dise ce qu'on n'a pas su, qu'on recolle ce qu'on a perdu. Reste encore un peu, même si c'est dangereux. Je veux sentir que t'es là une dernière fois. On a brisé tant de choses en croyant bien faire. On a planté nos causes dans un sol trop amer. Mais si t'acceptes mon silence, je veux réparer les torts, remettre au jour nos chances et rallumer nos décors. Reste encore un peu, juste une minute ou deux, qu'on se dise ce qu'on n'a pas su, qu'on recolle ce qu'on a perdu. Reste encore un peu, même si c'est dangereux. Promets-moi d'être bien, mais reste ce soir. Je te demande que d'y croire. Reste encore un peu, juste une minute ou